La ville secrète. Paris est une ville dont on pourrait parler au pluriel, comme les Grecs le faisaient avec Athènes. Il y a donc plusieurs Paris et le touriste a seulement une relation superficielle avec le Paris des Parisiens. Un étranger qui parcourt Paris en train ou autobus et qui passe d'un musée à l'autre n'a aucune idée de ce monde qu'il ne voit pas, bien qu'il s'y trouve. Personne ne peut affirmer connaître une ville s'il n'y a pas perdu son temps. L'esprit d'une grande ville ne se laisse pas facilement comprendre. Pour se familiariser avec, on doit s'y ennuyer et avoir un peu souffert. Naturellement, chacun peut se payer un guide et constater que tous les monuments mentionnés s'y trouvent. Mais à l'intérieur des frontières de Paris se dissimule une autre ville, qui est également difficilement accessible, comme l'était jadis Tombouctou. Cette ville que je nomme ville secrète, car elle est inaccessible aux étrangers, les Parisiens la connaissent très bien et ils la trouvent totalement naturelle. Il ne leur vient donc pas même à l'esprit d'en parler, à l'exception des écrivains et des poètes dont le rôle est exactement de regarder la ville avec de nouveaux yeux, comme pour la première fois, pendant que nous la voyons sans y prendre garde. Mais même les écrivains n'arrivent pas toujours à transmettre clairement ce qu'ils ont découvert. Paris ne se révèle pas aux hommes qui sont pressés, je l'ai déjà dit. Cela appartient aux rêveurs, à ceux qui savent se divertir dans les rues sans faire attention au temps, même si des affaires urgentes les attendent ailleurs. Ils verront ce que d'autres ne verront jamais et cela deviendra leur récompense. Paris a en outre la caractéristique de se montrer mieux dans la nuit que le jour. On pourrait penser que la ville attend que tout dort. D'après Julien Green de Paris 1983.